Les personnalités de divers pays exaltent les espoirs mortels des grands hommes pour le développement du Parti du Travail de Corée. Dans les messages et lettres de félicitations, les personnalités de divers pays, comme le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Venezuela, le secrétaire général du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie et le président du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-un, ont exalté les espoirs immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont développé le Parti du Travail de Corée en guide puissant qui fait progresser dynamiquement l'œuvre socialiste axée sur les masses populaires et l'œuvre d'émancipation du monde. Ils ont indiqué comme ce qui suit. Malgré les manœuvres désespérées des impérialistes et des réactionnaires pour isoler et écraser le socialisme, la Corée avance courageusement sous la direction du parti. Le maréchal Kim Jong-un a développé le Parti du Travail de Corée en organisation politique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et a transformé la Corée en puissance socialiste, nucléaire et cosmique.